parler de Balmol avec notre ami Pierre Guy, l'ancien président de l'IGMS. Cet été, il y a un tournoi de balle pour les arbitres dans le cadre du Festival des biens extrêmes. On en parle avec Pierre Guy. Salut Pierre. Bonjour Danny. Pierre, effectivement. Donc, parle-moi un peu de ce tournoi-là. Ça va avoir lieu quand d'abord? Voilà, les dates sont du 28 août au 1er septembre. OK. Ça va être dans le cadre des jeux extrêmes à Debien. Vu que le tournoi des organisateurs de Debien, eux autres, avaient laissé tomber le tournoi, et nous autres, on est rentrés en contact avec la municipalité. On va leur faire nos services, les arbitres de l'Association des arbitres d'Allemagne, d'organiser un premier tournoi. OK. Ouais, puis qui va, là, présentement, on peut dire que ça va très bien. On invite des équipes du Haut-du-Lac à s'inscrire. Debien et Haut-du-Lac, c'est pas loin. Ben non. C'est un tournoi de bad donné, assuré de jouer trois parties. Il y a du masculin, du féminin. On s'attend à avoir une vingtaine d'équipes. OK. Ça va, avec 20 équipes, on va remplir bien la fin de semaine. Puis je sais que la balance est très forte. Ça fait que. Ben oui. On pense pas avoir de problème. Pour nous autres, c'est une première. OK. Parce que c'est mon épouse qui avait pensé à ça. Ça fait que j'ai dit, OK, on le fait avec les gars. On a parlé de nos arbitres. Les gars vont s'impliquer. Ça fait qu'on va le faire. Puis nous autres, ben, ça va nous faire, on va se ramasser des fonds extra. Puis, on va donner un montant d'argent au baseball mineur de Debien. OK. Vu la coopération de la ville de Debien, ça fait que. Ça fonctionne-tu bien, le baseball à Debien, de ce que tu penses? Ben, je pense que oui. Le baseball mineur, d'accord, ils ont un bon gars pour s'en occuper. Patrice Fortin est solide. C'est le nouveau président, en plus, du hockey mineur à. OK. Dans le secteur de Debien. Puis Patrice, c'est un gars qui est à la tâche pour moi, il travaille très fort. Puis ça marche très bien. Alors, le baseball mineur, tu sais, c'est en montant. Ça a pris de l'ampleur. Oh, ça avait baissé pas mal. Moi, je me rappelle que mes deux garçons ont joué en masse dans le baseball mineur. C'était fort. On allait régional, on allait partout. Mm. Mais là, ça avait baissé. Mais là, c'est reparti en montant. Oui, ah, effectivement, avec le baseball, avec le retour des expos, puis ainsi de suite, tout ça mis ensemble, je pense que c'est quelque part... C'est cyclique, un sport, hein? Oh, il faut pas s'en faire avec ça, là. Surtout pour les jeunes, hein? Tiens, moi, j'ai mon petit-fils qui a commencé, là. Il y a 5-6 ans, là, qui vient de commencer, on suit, là. Mm. C'est drôle de voir ça, là. On l'a fait avec nos fils, puis là, on va faire avec nos petits-enfants. Mais là, comment tu t'attends d'avoir d'équipe? Ben, nous autres, je sais que l'an passé, à Debien, il y avait 22 équipes. Mm. 16 équipes d'hommes, 6 équipes de femmes, puis on pense bien d'avoir ça encore, 16, au minimum 16-6. OK. Fait qu'on vise 24 équipes en tout, là, si on a 24 équipes. En d'accord, en haut de 20, on va être extrêmement content. OK. Pour une première, j'ai une première. Mm. Si c'est tel que le cas, ben, c'est sûr qu'on va récidiver. Je vais pas voir beaucoup de commanditaires, c'est ça qui est plaisant. Tu cours pas après les commanditaires. C'est les inscriptions qui payent, les équipes payent les inscriptions. Ben c'est oui. Les hommes, c'est 350. C'est les femmes, 300. Puis ils sont assurés de jouer 3 parties minimum. OK. Dis-moi si, donc, pour les gens qui veulent s'inscrire au tournoi, comment ça fonctionne puis comment ça coûte? Pour les hommes, c'est 350. Ils peuvent rejoindre Céline Tremblay là, j'ai le numéro de téléphone, tu me pognes en crissie, hein. Ma blonde, c'est 418-480-7916. Il y avait Patrice Fortin de Debien. C'est Pat, je ne sais pas son numéro de téléphone. Bon, en tout cas, regarde, il est facilement trouvable. Oui, c'est ça, mais on a envoyé beaucoup de Facebook, là, quand, tu sais, un beau croquis, là, comme de quoi qui pouvait les rejoindre. Là. Mais ils peuvent facilement rejoindre Céline à 418-480-7916, ou ils peuvent même me rejoindre, moi. Mmh. À 418-720-2853, puis moi, je l'ai transféré à Patrice, s'il n'y a pas de problème, là, c'est parce que ça va être plus facile de même. Ah oui, effectivement. À part ça, ça va bien, on se prépare de... Ça sera pas long que l'hockey, ouais. Ça va s'en venir, hein? Oui, ça se prépare tranquillement de l'hockey. Là, on est en train de passer avec les sortes de Robert Valle, chez Danny, a parlé avec M. Larouf, là, une semaine ou deux, on a parlé de l'hockey mineur de Robert Valle, parce qu'on était inquiète un peu. Pas d'entraîneur rendu Au 2 juillet. Là. C'est un peu épeurant, qu'on dirait. Ouais, moi, de mon côté, je suis resté dans l'organisation. La direction m'a demandé de rester. Je voulais plus continuer. Parce que là tu sais, on a commencé à en avoir marre là, des grands dira-t-ons, là, c'est ça. Mais je suis resté dans la direction, puis je vais m'occuper seulement du midget. Ah, OK. ça fait que je suis pas en conflit d'intérêt. Mm. Personne ne va pouvoir pleurer. Ouais. Parce que quand on m'a demandé, il y a 2 ans, d'embarquer, puis de m'envoyer président, c'est les mêmes personnes qui étaient en conflit d'intérêt déjà. Mon frère était déjà à Robertval, et Guillaume coachait déjà à Robertval. Ouais, mais avec ça... Patrice Gagnon. Ouais. Tu sais, puis là, 2 ans plus tard, ben là, ça fait plus que t'es en conflit d'intérêt. Donc là, quand moi, je veux pas nuire à Guillaume, Guillaume, il est jeune. Mm. Il aime ça, coacher. Ça, j'y vais pour lui. Puis moi, j'agère. Écoute, c'est à mon âge, là. Ben oui. Je fais ça parce que j'aime ça. Puis du jour au lendemain, je peux arrêter. C'est tranquille. Va être tranquille. Il n'y a pas la peur. Puis dans le midget, je vais m'amuser. Le midget, on n'a pas de problème. C'est facile. C'est la fédération point à la ligne. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Peut-être qu'on va avoir une surprise dans le midget. Une équipe, peut-être, là. Sans pour parler. Oh! Je te sous-entends à soi, là, de Port-Cartier. Ah, OK, OK, OK. Donc, Non, excuse-moi, Hors-Saint-Pierre, plus loin un peu encore. On n'était pas assez loin, on irait à Hors-Saint-Pierre. Oui, mais je vais te dire une affaire. Je suis pas sûr que ça va faire l'unanimité des équipes, parce que je me rappelle, aller jouer à Bécamo, pas à cette île, le monde ne tripait pas. À Saint-Pierre, c'est encore plus loin. C'est ça. On n'a pas le choix, c'est la Fédération de l'Olive. Oui, OK. Ça devrait se décider cette semaine. Je vous disais que je vais être au courant, on va te le dire. Okay. On va te tenir au courant, mais le problème, c'est qu'eux autres, là, ils ne joueraient pas contre des équipes du lac. OK, ils joueraient contre des équipes Saguenay. Ils vont jouer plus de games entre Bécamo et Sept-Îles. Puis ils vont descendre une fois au Saguenay. Puis nous autres, on fait un showcase cette année. Ah, OK. Okay. Dans le showcase, ils vont jouer le game contre Chifogamo et contre des équipes du lac. Puis là, les équipes de Charlevoix et de Québec ça, qui marchent au calendrier, ça marche pas, ça? Non, ça ne marche pas. Les juniors, ça ne veut pas faire. On a essayé à Bécamo. Puis... OK. On avait une équipe à Bécamo, mais les équipes ont refusé. Ah, OK. Bon. Fait que là, on va pas plus loin, là. Junior, là. C'est eux autres qui disent c'est trop loin, puis c'est trop loin. Mais... Ouais. Ben, Pierre, merci beaucoup, puis on s'en reparle dès que la saison de hockey commence. Parfait, mon Danny, je te remercie beaucoup de ton temps d'antenne. Notre ami Pierre Gay qui nous parlait du tournoi de balle débit extrême qui va avoir lieu du 28 au 30 août à débit.